deux semaines, elle m'a dit viens. Tout ce qu'on a raconté portait sur du business s'adressant aux consommateurs. En B2B, comment ça se passe? D'abord, il est clair qu'en B2B, on va beaucoup plus être dans le rationnel que dans l'émotionnel. On va rarement être dans l'achat d'impulsion. Donc, en fait, le processus d'achat va être probablement un peu différent. On va essayer de le décrire chronologiquement et on va voir si les gens de marketing peuvent avoir une influence à chacune des étapes. Oups, ça c'est le slide précédent. À chacune des étapes, est-ce que l'homme de marketing a une possibilité d'influence ? L'homme, c'est le sens homo latin du terme. Alors, prendre connaissance qu'il y a un besoin en B2B, ça se fait où? Il y a un besoin pour un nouveau système informatique pour gérer la paye, il y a un besoin pour une entreprise qui va assurer le nettoyage des bureaux. Il y a un besoin pour un consultant fiscaliste. Où se trouve l'émergence de la prise de connaissance du besoin? À votre avis? Chez l'acteur. Pardon? Chez l'acteur. C'est souvent chez l'acteur, celui qui fait le processus, qui va s'en rendre compte. Ou chez celui qui le dirige en disant « Je trouve quand même que le processus n'est pas très efficace, on pourrait faire certainement ça avec moins de gens, par exemple. Hein. Donc, on va automatiser. Plutôt que de calculer soi-même la paye, on va automatiser le calcul. Ou on va le sous-traiter. D'accord ? Donc, ce sont des décisions qui vont être prises au niveau de l'utilisateur ou au niveau de celui qui dirige l'utilisateur dans sa performance. Est-ce qu'on peut influencer une entreprise pour lui faire prendre connaissance de certains besoins? C'est faisable, ça, à votre avis? D'un acte de vente, hein, c'est un commercial qu'on va envoyer pour parler de notre produit. D'accord ? Ça risque quand même de coûter assez cher si on doit aller visiter toutes les entreprises. Hein. Mais c'est tout à fait plausible. Oui ? Ouais. D'autres manières de faire qui seraient peut-être moins coûteuses ? Oui ? Absolument, des magazines spécialisés pourraient dire aujourd'hui, on ne fait plus la paye en calculant soi-même. Hein. Aujourd'hui, il faut se traiter ça. Hein. Vous ne faites pas chier. Hein. On pourrait faire ça, oui. On pourrait faire aussi autrement, encore. Lors de salon. Lors de salon, absolument. Hein, participer à une conférence, le futur de l'organisation de la paye. Oui, par exemple, on pourrait faire référence à des travaux qui ont été faits par des scientifiques. On pourrait, bref, on peut déjà à ce moment-là faire se rendre compte aux gens qu'ils ont un besoin. On peut déjà agir à ce moment-là. Alors, deuxième étape. Il va falloir, une fois qu'on a identifié le besoin, déterminer les caractéristiques de ce qui rencontrerait le besoin. Comment est-ce qu'une entreprise fait ça? Elle établit ce qu'on appelle un cahier des charges. Vous avez déjà entendu parler de ça? Oui. Un cahier des charges. Donc, on va décrire dans un document, voici à quoi devrait répondre la solution qu'on cherche. Ça devrait permettre de faire ça, de faire ceci plus vite, de diminuer la charge de travail à tel endroit, d'être branché sur du 220. Il peut y avoir des tas de caractéristiques techniques, des tas de caractéristiques d'objectifs, des tas de caractéristiques de réponse à des normes. Par exemple, j'ai besoin d'un nouveau parking. Il faut qu'il soit résistant au séisme, il faut qu'il soit résistant à la pluie, il faut qu'il soit drainé, il faut qu'il ne fasse pas du verglas quand il gèle, il faut qu'il soit facile à entretenir et il faut qu'il tienne 15 ans. Des choses de ce type-là. On va peut-être même fixer un budget. Est-ce qu'on peut, en marketing, intervenir à ce niveau-là? Et comment? Oui. D'abord, on pourrait très bien être celui qui remplit le cahier des charges, qui fait le cahier des charges. Mais c'est interdit, hein. Ça, c'est pas honnête, hein. Mais c'est assez fréquent. Je peux vous dire, si c'est une entreprise particulière qui fait le cahier des charges, c'est clair qu'elle risque d'être la seule à pouvoir répondre au cahier des charges si elle prend dedans les bonnes poison pills, hein. Le particulier, il peut dire, bon, il faut choper une maison de 3 étages, 5 chambres, 3 salles de bain, et je veux que l'eau chaude soit chaude au moment où j'ouvre le robinet. Démerdez-vous. Et en plus, ça ne doit pas polluer la couche d'eau. Mais c'est quand même l'artisan qui va établir une norme technique. Il va essayer de trouver quelle norme répond à ce besoin-là. Le cahier des charges de l'habitant est relativement succinct et pas très technique, effectivement. C'est la chance du prestataire de service. Mais si vous devez installer une chaudière dans une entreprise, là, vous allez avoir probablement des spécifications qui vont être beaucoup plus pointues, beaucoup plus techniques, parce que souvent dans les entreprises, ce genre de choses est géré par un ingénieur ou un ingénieur technicien qui va se faire un plaisir de mettre dans le cahier des charges exactement ce qu'il souhaite. Un cahier des charges, par exemple, pour de la consultance pour l'Union européenne, c'est à peu près gros comme ça. Vous mettez un mois à le lire et vous avez un mois pour y répondre. Grosso modo. Fait. On peut le. Voilà, c'est une manière, par exemple, un architecte qui va faire un cahier des charges pour la construction de votre maison. Vous, vous y connaissez rien en technique. Vous lui avez juste donné vos instructions. Lui va faire un cahier des charges pour les entrepreneurs, avec lesquels vous risquez même de ne jamais être en relation, puisque c'est lui qui dirige les travaux, l'architecte. Ok, donc lui sait qu'à tel endroit, devant la porte d'entrée, il faut une canalisation pour récupérer l'eau de ruissellement des pluies qui viendront du trottoir vers votre maison qui est un petit peu en contrebas. Vous y auriez jamais pensé. Lui, il sait qu'il faut une canalisation. Si vous parvenez à aider l'architecte à faire son cahier des charges, par exemple en disant, pour tout ce qui est canalisation, hein, voici le package, le software que je vous conseille, monsieur l'architecte, vous faites tourner ça sur votre ordinateur et il va tout de suite vous dire, à tel endroit, il faut une canalisation. Et comme par hasard, dans le cahier des charges, il sera écrit, et à tel endroit, on dressera une canalisation d'évacuation des eaux de pluie de type Oraton Phasefix, qui est une marque, qui est la marque de celui qui lui a gentiment donné le software pour établir tout ce qui était problématique de canalisation dans son cahier des charges. Et alors, la marque Phasefix Oraton est quasi certaine de remporter le marché. L'entrepreneur, lui, voit dans le cahier des charges, on mettra une canalisation de type Oraton Phasefix, il achète du Oraton Phasefix. Sauf s'il est vraiment contraire. Donc on s'est influencé à ce niveau-là. Y compris dans les magazines spécialisés, comme vous disiez, Oraton va peut-être faire de la pub, de la communication marketing, disant les meilleurs types de canalisation pour les eaux de pluie, c'est Oraton qui les fait, évidemment. D'ailleurs, on a un nouveau métal qui permet d'éviter l'oxydation. Et donc, même quand on mettra des produits oxydants pour nettoyer, eh bien, ça va tenir au moins 15 ans. L'architecte lit ça, il en prend bonne note, la prochaine fois dans son cahier des charges, il va mettre ça. Donc oui, on peut influencer même au niveau de l'élaboration du cahier des charges. Quant au cahier des charges établi par les fournisseurs, c'est extrêmement fréquent dans la fonction publique. Parce que ça les fait chier d'établir les cahiers des charges, parce qu'ils n'ont pas les techniciens pour le faire, parce que ça prend un temps fou, et donc... Mais si vous dites que c'est moi qui l'ai dit, je dirais que vous êtes des menteurs. Donc on fait la description dans un cahier des charges. Et puis alors après, qu'est-ce qu'on fait? Ben, l'étape suivante, c'est de voir qui pourrait être susceptible de répondre à cette demande. Quels sont les fournisseurs possibles? Et donc là, le marketeer aura intérêt à être reconnu comme un fournisseur possible du produit ou du service en question. Et donc, de nouveau, il a un travail à faire, là. Un travail de notoriété. Donc, il doit être présent sur le marché. Il faut qu'on sache qu'il est là, qu'il est spécialisé là-dedans. Comment il ferait ça? Souvent, c'est comme ça quand même qu'on va faire. Pas nécessairement toujours. Pas nécessairement toujours. Hier, j'ai un directeur officiel du shopping center de Dox rencontré la patronne de Multipharma qui m'a dit « Tiens, j'ai entendu parler de vos formations, on pourrait se voir pour animer un séminaire ?» Il n'y a pas la peine d'offre. Ben si, je vais devoir lui faire une offre, mais on n'a pas 5 ou 6 fournisseurs auxquels on va envoyer la peine d'offre. Ça, c'est du relationnel. Dans la fonction publique, la plupart du temps, si ça dépasse un certain montant, on est obligé de ne plus faire de marché de gré à gré. On peut faire des marchés de gré à gré jusqu'à un certain montant, mais au-delà d'un certain montant, on est obligé de faire un appel d'offres. Puis, au-delà d'un autre montant, un appel d'offres public. Et puis, au-delà d'un certain montant, un appel d'offres public européen. Donc, il y a des normes, effectivement, dans la fonction publique sur les marchés publics. C'est une loi très, très pointue qui est et donc, on peut influencer la liste des happy few. Ben, par exemple, voilà, il fallait être hier à l'ouverture de Dox pour rencontrer la patronne de Multipharma. Ben, ça peut permettre d'influencer. Donc, en marketing, on peut aussi traîner ses bottes dans les cocktails. Ça peut aider pour être tenu. On peut aussi participer à des foires. Parce que là, on acquiert de la notoriété aussi. On peut aussi faire des articles dans la presse. On peut aussi être vu à la télé. Dans une interview, un tel spécialiste de... Ça aide aussi. Donc, oui, on peut influencer à ce niveau-là. Parfois, c'est l'entreprise demanderesse, qui va d'ailleurs se charger de faire ce qu'on appelle du purchase marketing. C'est-à-dire de la communication de l'entreprise vers les fournisseurs possibles en disant vous êtes prié de penser à développer des produits de tel type parce qu'on va en avoir besoin dans le futur. Apple fait ça par exemple. Regardez, quand je donne une formation ou un cours avec ça, ici c'est facile, mon ordinateur est branché sur la prise ici, il est connecté là, il n'y a rien qui bouge. Quand je suis en formation, un séminaire dans un hôtel, aux 20 personnes, la plupart du temps, mon ordinateur est au milieu du jeu-ti, à côté du rétroprojecteur. Et qu'est-ce qui se passe? À tous les coups, vous avez déjà vu que je suis incapable de rester assis sur ma chaise. Hein. Donc, à force de tournicoter dans tous les sens, au moins une fois sur la journée, je me prends le pied dans le câble d'alimentation. Non? Et alors, d'abord, la plupart du temps, quand on fait ça avec un ordinateur normal, on a l'air d'un clou parce que ça arrache la prise de l'ordinateur. Si ça se trouve, ça le fait tomber par terre. Et alors, l'ordinateur qui tombe par terre, qu'on doit ramasser, rebooter, on a vraiment l'air d'un clou. Alors, Apple, ils ont pensé à ce problème-là. Et ils ont été trouver leur fournisseur en leur disant on aimerait bien éviter ça pour nos formateurs, que ce câble d'alimentation, d'abord il est très compliqué, hein, non? Il a 5 petites broches qui doivent être mises dans le bon sens, donc il faut regarder si ça va dans le bon sens ou si ça ne va pas dans le bon sens. Et puis alors quand on prend son pied dans le câble, eh bien on arrache tout le bazar, la prise est cassée, on ne sait plus la remettre et l'ordinateur tombe par terre. S'il vous plaît, évitez-nous ça, messieurs les fournisseurs. Alors, ils ont été trouver les fournisseurs pour les convaincre de faire quelque chose de plus simple. Et ils ont trouvé, regardez, quand on se prend les pieds dans l'ordinateur avec celui-ci, ça se détache. Mais c'est très facile parce que c'est magnifique. Et youp, ça se remet, tout simplement. Ça, c'est génial. C'est tout simplement génial. Et pour ça, il a une fonction chez Apple qui est évangélisateur. C'est comme ça qu'il l'appelle. Dans cette maison, ça ne va pas très bien, mais évangélisateur. Et en fait, ces types passent leur temps à aller trouver les produits, les fabricants de produits, de hardware, à aller trouver leurs propres employés, les gars qui développent les softs, en disant « Tu penses que tu pourrais le faire encore plus simple ?» pour faciliter la vie d'utilisateur. Chers fournisseurs, vous pourriez imaginer quelque chose d'encore plus simple. Et donc, les types évangélisent à la fois en amont et en aval pour rencontrer le positionnement d'Apple qui est « We make it simple » à la portée de n'importe quel connard. Moi, c'est pour ça que j'utilise Apple. Donc, après, il faut obtenir des offres. Alors, dans certaines entreprises, on est obligé, par exemple, dans beaucoup d'entreprises américaines, obligé d'obtenir at least 3 competitive bids. Avoir au moins reçu 3 offres compétitives pour un même achat. Ben, ça veut dire déjà qu'il faut au moins envoyer la demande d'offres à plus que 3 personnes, plus que 3 entreprises. Donc là aussi, parfois il y a des normes, il faut envoyer à 10. Si vous faites une demande pour une nouvelle chaudière, vous envoyez une demande de devis à 10 plombiers, vous recevrez peut-être une demi-offre. Parce que c'est quelque chose qu'ils détestent faire, les demi. Hein. C'est des papiers. Hein. Donc il faut obtenir des offres, c'est pas toujours simple. Et les analyser. Alors, les analyser sur quoi? Ben, sur un certain nombre de critères. Alors, dans un marché public, le critère, obligatoirement, c'est le moins cher. Dans un marché de gré à gré, on peut combiner une série de critères. Le prix aura toujours une influence. Par exemple, le prix peut valoir 40% des critères d'évaluation. La réputation de l'entreprise, 20%, la capacité financière de l'entreprise à pouvoir mener à bien la mission, 20% et l'expérience dans le domaine, 20% par exemple. Et évidemment, après, il faut faire le calcul de ces valeurs pour pouvoir analyser. Mais quand on fait ça, typiquement, on va rester avec sur 10 offres, 3 offres qui répondent à tous les critères à peu près de la même manière. Et il y en a une un petit peu plus chère, mais meilleure sur tel plan, et une autre un petit peu moins chère, mais meilleure, mais moins bonne sur tel autre plan, et il y en a... voilà, vous avez 3 offres, vous choisissez laquelle. La moins chère? Dans les entreprises publiques, souvent, ce sera le cas. Mais on se méfie de plus en plus du moins cher. Parce que quand on a acheté 20 fois le revêtement en macadam de la E411 au moins cher et qu'on est obligé de le refaire 2 ans après quand même, on finit par se poser des questions. Quand on a acheté le revêtement des tunnels intérieurs, des tunnels le moins cher pendant des années, et l'entretien le moins cher aussi des tunnels, et qu'il y a quand même des blocs de béton qui tombent sur la gueule des automobilistes, on se dit que peut-être que cette fois-ci, on ne va pas choisir le moins cher. Peut-être que cette fois-ci, le critère rapidité, pour éviter d'avoir des embouteillages au Montgomery et à la place Stéphanie, ce serait peut-être un peu mieux. Ce qui a été le cas, la première. Ils ont pris le plus cher, mais qui garantissait qu'on faisait en 2 mois, et pas en 2 ans. C'est un problème de loi, déjà. Si la loi vous oblige à choisir le moins cher, vous choisissez le moins cher. Il y a d'ailleurs une histoire croustillante assez connue. Vous connaissez Buzz Aldrin? Qui c'est Buzz Aldrin? Le deuxième homme à avoir marché sur la Lune après Neil Armstrong. Et Buzz Aldrin a dit un jour dans une conférence, j'ai beaucoup réfléchi après, et je me suis dit que je ne le referais pas. Parce qu'on est monté dans une capsule en fer blanc qui était au sommet d'une fusée Saturne V de 102 mètres de haut, dont les 2 587 pièces ont toutes été achetées auprès de celui qui avait le prix le moins cher. Je ne suis pas sûr que je le referais. Effectivement, c'est des marchés publics et vous êtes obligé de prendre le moins cher. C'est pas très malin, mais c'est comme ça que ça se passe. Une autre manière d'influencer les choses, c'est de savoir quel prix va proposer l'autre et de proposer moins cher. Mais c'est interdit. Ça, c'est de l'espionnage. Mais parfois, il y a moyen de savoir. Où il y a moyen de proposer un prix très très très très bas, et puis qu'après on dit il y a eu des complications sur le chantier, il va falloir payer des suppléments et se rattraper sur les suppléments. Mais quand on a in fine 2 offres similaires ou 3 offres similaires, comment on choisit? Pardon? Ça dépend de la personne. Exactement. Tu vas choisir plus la qualité, l'eau qui vous rajoute. Ben voilà, ça va être à ce moment-là un jugement plus ou moins subjectif. Avec celui-là, on a déjà travaillé, on le connaît. C'est pas dans le cahier des charges, mais c'est un argument subjectif. Celui-là, je sais pas, c'est un ingénieur. Et moi, je n'achète qu'auprès d'ingénieurs. Donc, ça va le faire. Celui-là, c'est un ingénieur et il est sorti de la même faculté que moi. Je préfère. Celui-là, il est membre du Rotary comme moi. Celui-là, c'est avec lui que j'ai eu le meilleur dîner. Celui-là, l'après-dîner était encore mieux. Etc., etc. Donc, ça va être des jugements parfaitement subjectifs. Et donc, inutile de vous dire, même à ce moment-là, il y a encore moyen d'influencer. Et puis donc, après, on choisit et on commande. Et après, Il y a évaluation des performances. Évaluation des performances pendant l'installation, pendant la mission et après la mission. Et alors ça, ça va servir de base à l'évaluation de la capacité du fournisseur à répondre aux besoins et donc à l'éventuel faire partie de la shortlist, de la liste des fournisseurs systématiquement recommandés ou pris en compte, ou pas. Alors, dans certains cas, il y a des systèmes de contrôle dans les entreprises qui font qu'on n'achète pas quand on veut et on n'achète pas ce qu'on veut. C'est un peu particulier, ça s'appelle un système de crédit d'achat. L'exemple type, c'est dans les entreprises qui vendent du fashion, des habits de vêtements de mode, comme l'innovation, Galerie, Adentino, ou bien H&M, des éléments comme ça. Cette année-ci, l'acheteur des pulls, pas cette année-ci, il y a un an, l'acheteur des pulls a imaginé quelle serait la collection hiver 2016. Et il s'est dit, en hiver 2016, après tout ce que j'ai rassemblé comme info sur le marché et dans les foires et salons que j'ai visités, les pulls en hiver 2016 seront majoritairement de couleur brun foncé. Arrive l'automne 2016 et pas de bol, c'est le vert qui sort. Et le gars a commandé depuis un an du brun foncé. Et punaise, c'est le vert qui est le plus à la mode, c'est le vert que tout le monde s'arrache. Tout le monde veut du vert. Qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il se dit, je vais corriger mon achat, je vais acheter du vert. Ah oui, mais non, lui dit l'ordinateur, vous avez déjà consommé tout votre budget achat, vous êtes prié d'abord de vendre le, c'était quoi ? Brun foncé, avant que je vous autorise, suite à la diminution du stock, d'acheter du vert pour compenser. Donc vous êtes prié de d'abord liquider le brun foncé, sans ça je ne donne pas l'autorisation du bon d'achat. Il y a des systèmes comme ça qui évitent que les acheteurs ne fassent des bêtises. Ça s'appelle un système de crédit d'achat. Open to buy system. Donc il y a des entreprises qui sont gérées de manière très pointue au niveau des achats. Évidemment, les achats dans une boîte qui vend du textile de mode, c'est tout à fait stratégique. Et donc, c'est super important de ne pas se planter. Se planter dans une saison, c'est dramatique dans une entreprise comme celle-là. Et donc, il faut envisager aussi quel type d'achat ça représente. Acheter des pulls dans une entreprise qui vend des pulls, c'est un achat stratégique. Acheter des pellets de polyéthylène dans une entreprise qui fabrique des produits plastiques, c'est stratégique. Parce que si on se plante dans l'achat, on risque d'avoir un problème de production, on risque d'avoir une interruption de la production, c'est encore pire. Donc, ça, c'est un achat stratégique qu'on va racheter à l'identique la plupart du temps. C'est du polyéthylène de telle qualité, avec X% de possibilité de produits polluants, pas plus, et il doit être pouvoir être dans une granulométrie de autant de millimètres, et il doit pouvoir fondre à telle température qui est plus basse que d'habitude. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se différencier là en marketing ? Ben, il va falloir essayer de trouver des petits plus qu'on pourrait rajouter dans la transaction pour se différencier. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme petit plus quand on vend des pellets de polyéthylène pour fabriquer des Baxter ? Sa chambre, c'est un achat stratégique. C'est la matière première de toute notre production. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se différencier? Le produit? Ben non, la granulométrie est fixe, la composition chimique est fixe, le taux de discrepancy, de différence est fixe. Sur le produit, t'as un produit de base, le polyéthylène, je sais rien faire. Comment est-ce que je pourrais me différencier? Fournir plus rapidement. Et comment est-ce qu'on pourrait fournir plus rapidement? Ouais, alors ça c'est clair que vous allez devoir fournir le dimanche. Les 4 jours semaine, c'est une invention utopiste. Hein. On fonctionne tous les jours quand on est une usine comme celle-là. Bien sûr qu'il faut fournir le dimanche, ça c'est pas différent cette heure. On pourrait peut-être avoir une usine plus près de chez eux, comme ça ils sont sûrs que ce soit plus vite, puisque la livraison prendra moins de temps. On pourrait même envisager d'entreposer du stock chez eux, de façon à ce qu'ils en aient toujours sous la main, et de ne réalimenter que le stock tampon. Ça permettrait d'être certain. Ah oui, mais je ne vais pas payer pour le stock qui est chez moi. Non, non, vous inquiétez pas, on le laisse en consignation chez vous. Et on fait payer les livraisons. Ça pourrait être un argument différenciateur. Parce que mon premier besoin pour un produit aussi stratégique que celui-là, c'est qualité constante et continuité de la livraison. Si je peux assurer la qualité constante et être certain qu'ils en auront toujours, je suis gagnant. Donc on peut se différencier encore. Mais ce n'est plus par le produit. C'est par un service qui va avec. Une autre manière de se différencier serait de dire vous pouvez payer plus tard. Je sais que cette boîte a des problèmes de trésorerie. Je peux lui dire je vous donne 2 mois de délai de paiement au lieu d'un mois. Ça me donne une bouffée d'air dans ma trésorerie. Ça peut être un argument aussi. Vous vouliez poser une question? Celle-là, elle est copiée par un producteur de cartouches. Donc on peut effectivement parfois se différencier par le produit, mais ça ne dure qu'un temps, souvent. Donc ça, c'est rachat identique. Dans ce cas-là, souvent, l'argument majeur, ça va être le prix. Hein. Des produits qu'on appelle des commodities, par exemple, du produit comme... du papier pour les photocopieurs de l'entreprise. C'est vraiment un produit de base, rachat identique, je vais acheter chez celui qui est le moins cher. Hein. À qualité identique, je vais acheter chez celui qui est le moins cher. Parce que c'est quand même que des frais généraux. Donc là, souvent, c'est l'argument du prix qui va être l'argument majeur. Un rachat modifié, ça veut dire que c'est une entreprise qui achète un produit. C'est pas la première fois qu'elle en achète, mais cette année-ci, elle voudrait quelque chose d'un peu différent. Elle voudrait, par exemple, mission d'un fiscaliste. Elle a un fiscaliste habituel, mais il n'a pas beaucoup d'idées très nouvelles. Alors, elle pourrait très bien avoir rencontré hier soir à Docs un fiscaliste qui lui a dit, tiens, vous avez pensé à faire une fondation en Hollande avec un ruling pour pouvoir diminuer l'impôt sur les bons bénéfices. Vous n'avez pas pensé à ça? On se rend compte, hein, parce que dans votre cas, ça pourrait peut être bien utile pour diminuer votre taux de taxation pour votre centre de coordination. Ah bon? Donc le type a une nouvelle idée. Ah, celui-là, je vais... C'est un rachat modifié, mais je vais être celui qui sera choisi parce que moi j'apporte une amélioration. Et puis si l'achat est nouveau, c'est la première fois que je fais appel à un fiscaliste. Eh bien, il faut être the fiscalist of the Benjamin. Il faut être Thierry Astrid, qui est le fiscaliste en Belgique. Avant, c'était Pascal Mine. Aujourd'hui, c'est Thierry Astrid, le troll, qui ressemble à un troll. Mais c'est la référence pointue en matière de fiscalité en Belgique. D'ailleurs, il donne des tas de conférences auxquelles participent aussi des tas d'inspecteurs des finances et le ministre des Finances. Et on débat ensemble, et chaque fois que le ministère des Finances trouve une nouvelle manière de nous imposer, lui, il trouve le loophole qui permet de s'en sortir pour ne pas payer l'impôt. C'est une espèce de génie de la fiscalité. C'est la référence dans ce domaine. Il a plus de chances d'être choisi que les autres, évidemment. Et comment il est devenu la référence? D'abord, il est très intelligent, il est très malin, il connaît extrêmement bien le droit fiscal, mais aussi... Il est dans tous les médias. Vous le voyez régulièrement interviewé dans 13, pardon ? Thierry Astrid, qui s'appelle Lidlbourg, ici, à l'UNB, en faculté de droit, de fiscalité. Tiens. Et vous trouverez régulièrement sa chronique dans 13. Ouais, c'est quelqu'un qui a su se faire connaître et qui est considéré comme la référence. Ben, je vous souhaite un jour d'être la référence en quelque chose. Alors attention, plus le produit évolue vers le bas, là, plus il y aura des personnes qui vont intervenir dans la décision. C'est de plus en plus rare dans une entreprise qu'une personne seule prenne la décision. Pourquoi ? Ben, parce que dans les entreprises aussi, au niveau des acheteurs, il y a une perception de risque. Risque de mal faire, risque de gaspiller l'argent de la société, risque que le produit soit pas aussi bon qu'on l'a espéré, performance, risque que ça prenne trop de temps pour faire les nouveaux tunnels de Bruxelles, risque que je sois mal vu dans l'entreprise et que ma carrière soit remise en question parce que j'ai pris une mauvaise décision. Risque que le conseil d'administration me dise écoué. Ou pire, que les journaux disent vous avez vu Pascal Smet son entretien des tunnels? Oh, je serais pas fier. Ouais. C'est comme ça que le contribuable est servi. Il a des tunnels qui s'effondrent sur sa tête. Et donc là, c'est le risque social de l'image politique. Donc, même en B2B, cette idée de risque perçu est prégnante. Et les entreprises détestent le risque, sont adversaires du risque. Et donc elles vont essayer de le limiter le plus possible. Donc, elles vont utiliser, par exemple, des modèles mathématiques pour acheter. Une entreprise comme Travnov, dont je vous ai parlé, qui fabrique des vaccins, a un algorithme de choix des meilleures offres pour tout ce qu'elle achète, qui tourne sur son ordinateur, qui donne des grilles et des modèles. Mais in fine, la plupart du temps, on a pu éliminer toute une série, il en reste quand même toujours... un ou deux, dans lesquels il va falloir choisir. Alors, choix subjectif, dans une entreprise comme Travnol, on va essayer de limiter le subjectif le plus possible. Et donc là, comment on limitera le subjectif? En évitant que ce soit une personne qui fasse le choix. Ce sera un comité qui va faire le choix. Le chef acheteur va faire rapport au comité. Voilà ce que la grille d'achat nous donne comme possibilité. Maintenant, cher comité, on va décider. Pas moi, parce que sinon je prends un trop gros risque. Je prends un trop gros risque pour la boîte. Donc, et c'est vrai, hein, quand vous êtes acheteur dans une boîte, vous avez en main les sous de l'entreprise. Et donc, c'est une position hyper stratégique. Chez Carrefour, celui qui achète les tomates tous les matins à la criée, il a une fonction stratégique d'une importance colossale. S'il achète des mauvaises tomates ou qu'il les négocie mal et qu'il les achète trop cher, cette semaine, on ne vendra pas de tomates chez Carrefour. Et on perd du bénéfice et on perd de l'argent. Donc, cette fonction-là est très, très, très stratégique. Ce qui veut dire aussi qu'elle est soumise à des tas de pressions. Les acheteurs de grande distribution, tous les jours, ils sont soumis à des pressions, des influences, des coups de téléphone, des invitations, des caisses de vin, des... Oh, on aimerait bien vous emmener dans notre loge au Sporting ce soir pour le match. Et alors, arrivé dans la loge, on commence par vous offrir l'apéro, et puis l'apéro, et puis l'apéro, et puis du vin, et puis du cognac, et puis du boost cognac, et puis du... Et quand le type sort, il est à moitié pété, il a hurlé trois fois sa joie de voir le Sporting mettre des goals, le lendemain, il dit plus non de la même manière. C'est aussi des manières d'influencer. C'est pour ça que les acheteurs dans les grandes distributions et dans les boîtes aussi importantes et normées que Travnol sont, un, très surveillés, deux, soumis à des règles d'éthique qu'ils ont dû signer, qui sont drastiques, trois, changer de place tous les deux ans maximum, parce que sinon on entre dans la familiarité avec un certain nombre de fournisseurs qui peuvent vous inviter une fois à Torremolinos ou en vacances à la maison et on n'a plus son libre arbitre. Et donc, hop, l'acheteur qui achetait les vins, il devient acheteur bière. Et du coup, le contact est rompu. Okay? Les achats se passent dans une pièce qui ressemble à un bunker où il y a une table, deux chaises et rien autour. Donc, il n'y a pas la photo du petit. Il n'y a pas le dessin de la petite qui papa avec 10 doigts de chaque côté. Il n'y a pas la coupe du vainqueur du tournoi de tennis. Il n'y a pas moyen d'entrer en relation de familiarité avec eux. C'est le dossier, l'échantillon, le cahier des charges, le prix. Ça, c'est la même chose. C'est des gens qui sont très, très, très soucieux. Parce que très sollicité. Alors, il vous envoie une caisse de vin. Vous allez la refuser ? Ben, en principe, oui. Dans les règles d'éthique d'entreprise, J.C. Manning, dont je faisais partie, une entreprise créée par des mormons. Hein. Donc, je vais vous dire que c'est le genre de problématique qui est assez sensible dans la boîte. Une caisse de vin, c'était tout de suite directeur du personnel. Voilà, c'est pour les hommes. Même une caisse de vin. Bon, j'aime bien le vin, je vous savez. Mais j'ai jamais fait l'achat. Les entreprises, souvent aussi, ben, pour ne pas se faire chier à devoir faire un cahier des charges pour, par exemple, qui va être le fournisseur de papier cul. Elle confie à une société qui est la société qui, par exemple, s'occupe du nettoyage et c'est toi qui vas nous fournir le particulier. Donc, on reste sur son core business. Nous, ce qu'on achète, c'est du polyéthylène pour fabriquer des pochettes de Maxter, mais tout ce qui est papier cul, nettoyage, arrosage des plantes, etc., je ne vais pas engager des gens pour le faire. Je confie tout à une entreprise dont c'est le core. Pardon ? Un peu comme à l'ULB avec ISS, tout à fait. Tout à fait. C'est une décision de la direction générale. L'ULB a enfin pensé à nommer un directeur général pour s'occuper de tout. Oui, le recteur qui devait s'occuper de gérer les femmes de ménage et de dire quel papier toilette elle devait acheter. Donc on a créé un poste pour ça, pour s'occuper de tout ce qui est nettoyage, agencement, reconstruction. Souvent, on fait appel à un comité d'achat qui dilue un peu la responsabilité. Et alors, il faut aussi savoir que dans les entreprises, il y a aussi des influences subjectives, il y a aussi des influences émotionnelles, il y a aussi des luttes politiques internes. Et si un tel qui vise, qui bride la position de CEO, comme on dit, un Chief Executive Officer, président directeur général, pour se faire bien voir, il aimerait avoir déjà une influence sur les achats. Et donc, il faudrait peut-être suivre plutôt son avis que celui d'un autre. Dans les entreprises, c'est aussi comme ça. Et vous savez quoi? À l'UNIF, c'est aussi comme ça. Hein? Il y a aussi des manœuvres politiques. Et si dans les entreprises, la politique existe, dans la politique existe, dans les universités, la politique est florentine. Donc, il y a des influences, y compris sur les achats. Par exemple, on crée une nouvelle bibliothèque. À quel architecte va-t-on confier la mission? Pas à celui qui fait le plus beau Toblerone, en l'occurrence. Mais peut-être à celui dont les relations philosophiques sont peut-être les plus proches des autres. Deux, trois comme ça, qui ont reçu l'appel d'offres, pas les autres. Voilà, ça existe aussi, il y a des influences. Il sait que celui qui l'a reçu est le frère d'un autre qui est professeur. Mais c'est bien, hein, le Toblerone. Voilà quelques idées sur les modèles d'achat. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques? Des suggestions? Des critiques? Si vous n'en avez pas, nous nous revoyons la semaine prochaine. Attendez avant de partir. J'ai eu une question tout à l'heure intéressante. Il y aura bien cours le 3 novembre. C'est prévu dans mon agenda. Chier, c'est votre affaire. Alors, mon souci est qu'on soit suffisamment avancé dans le cours pour que vous puissiez.